Tu places les tribus autour de l'arche. Chaque bannière a sa direction. Rien n'est au hasard dans ta maison. Même la marche est adoration. L'est et l'ouest, le nord, le sud, tout s'organise autour de toi. La présence au centre du camp, le peuple en cercle autour du roi. Tu nous apprends qu'est ton peuple. Ce n'est pas seulement marcher, c'est te mettre au milieu de tout, te laisser nous recentrer. Tu es le centre de notre camp, le cœur vivant de nos journées. Sans toi nos pas tournent la ville, avec toi tout peut se placer. Tu es le centre de notre camp, le point fixe dans nos déserts. Tant que ta présence nous précède, nous n'avons plus à avoir peur. Tu donnes à chacun une bannière, un endroit précis pour se tenir. Tu ne laisses pas nos vies se perdre dans le flou ou le délire. Même quand nous ne comprenons pas pourquoi tu nous mets à tel endroit, tu vois plus loin que nos regards. Tu bâtis un peuple pour toi. Tu es le centre de notre camp, le cœur vivant de nos journées. Sans toi nos pas tournent la vide, avec toi tout peut se placer. Tu es le centre de notre camp, le point fixe dans nos déserts. Tant que ta présence nous précède, nous n'avons plus à avoir peur. Remets-toi au milieu de tout. Nous voulons camper autour de toi.